Un jardin sur le Ronte. À la fin d'une brûlante journée de juin 1914, j'étais assis au bord de le Ronte, dans un petit café de l'antique Hama, en Syrie. Les roues ruisselantes qui tournent jour et nuit au fil du fleuve pour en élever l'eau bienfaisante remplissaient le ciel de leurs gémissements, et un jeune savant me lisait dans un manuscrit arabe une histoire d'amour et de religion. Ce sont de ces heures divines qui demeurent au fond de notre mémoire, comme un trésor pour nous enchanter. Pourquoi me trouvais-je ce jour-là dans cette ville mystérieuse et si sèche d'Hama, où le vent du désert soulève en tourbillon la poussière des croisés, des Séleucides, des Assyriens, des Juifs et des lointains Phéniciens? J'y attendais que fût organisée une petite caravane avec laquelle j'allais parcourir les monts Ansariyeh pour rechercher dans leurs vieux donjons les descendants des fameux Hashishin, et ce jeune savant, un Irlandais, chargé par le British Museum des fouilles de Djerablus sur l'Euphrate, une heureuse fortune venait de me le faire rencontrer, qui flânait comme moi dans les ruelles du bazar. Deux Européens perdus au milieu de ces maisons aveugles et muettes, sous un soleil torride, ont au fait de s'associer. C'était d'ailleurs cet Irlandais, un de ces hommes d'imagination improvisatrice qui savent animer chaque minute de la vie, et chez qui l'effroyable chaleur de l'été syrien développe cette sorte de poésie qui vient du frémissement des nerfs à nu, une poésie d'écorché vif. Après avoir parcouru la ville et poussé jusqu'au jardin, qui la prolonge durant quelques cent mètres sur le fleuve, nous avions vu tout et rien. Quel esprit se cache dans Hama? À quoi songent ces Syriens? On voudrait comprendre, on voudrait apercevoir dans ce décor monotone, au cœur de ces petites maisons, toutes pareilles et toutes fermées, plus que des intérieurs de patio, des intérieurs d'âme. Ne pensez-vous pas, me dit l'Irlandais, que le mieux serait maintenant que nous cherchions des antiquités? Un indigène nous conduisit devant une porte qu'il heurta d'une suite de coups convenus, et après quelques pourparlers et les cinq minutes qu'il fallut pour que les femmes se retirassent, nous fûmes introduits dans un divan, où le café servi, un juif nous montra ses trésors, deux ou trois bustes funéraires de Palmyre, qu'il débarrassa des linges, qui les enveloppaient comme les bandelettes d'une momie, des monnaies d'or et d'argent à l'effigie des empereurs syriens, et un manuscrit arabe. Le manuscrit, me dit l'Irlandais, après un examen rapide, est d'une écriture médiocre, mais à première vue il me semble très curieux. Il pourrait être d'un de ces métis d'occidentaux et d'indigènes, que les croisés appelaient ici des poulains, et en Grèce des gasmules. Les poulains, d'où vient ce nom, je l'ignore, étaient les produits de pères francs et de mères syriennes, ou de pères syriens et de mères franques. Leurs écrits sont rares, et comme vous pensez, d'un esprit plutôt singulier. Il est vraisemblable que l'auteur de la chronique grecque de Morée était un gasmule, et le récit que voici peut provenir de quelques poulains appartenant à la maison d'un baron, à qui il rattachait sa naissance et qu'il servait comme interprète pour les langues orientales. C'était une heureuse trouvaille. Mon compagnon acheta les précieux feuillets. Je choisis une pièce d'or, d'Héliogabale, où figure la pierre noire qu'adorait ce jeune dément, et nous allâmes nous asseoir au petit café sous les peupliers de l'Oronte. Quelques Arabes commençaient d'y arriver, car le soleil descendait sur l'horizon, et déjà les colombes et les hirondelles ouvraient leur grand vol du soir. Mon savant se plongea dans l'examen de son grimoire, et moi sous les beaux arbres, pareils aux arbres de chez nous, mais qui, si l'on bénit de daigner exister et fraîchir à la brise, en face de ces taux de salut et devant ces humbles roues du moulin, élevées à la dignité de poème vivant, je goûtais la volupté de ces vieilles oasis d'Asie, accordées invinciblement avec les pulsations secrètes de notre âme. Inexplicable nostalgie. À quel génie s'adressent les inquiétudes que fait lever dans notre conscience un décor si pauvre, si fort? Qu'est-ce que j'aime en Syrie? Et qui veux-je rejoindre? Je crois que j'y respire, par-dessus les quatre fleuves, un souvenir des délices du jardin, que nous ferma jadis l'épée flamboyante des Kéroubs. Oui, vraiment, une histoire curieuse, dit l'Irlandais, au bout d'une heure qu'il avait passée sans lever le nez de dessus son texte, et d'autant plus intéressante pour nous qu'elle se déroule dans la région. Avez-vous vu sur le Ronte, en venant d'Oms, et non loin du village de Restan, les ruines d'un château et d'un monastère? Certaines cartes les indiquent sous le nom de Kalat el-Abidin, la forteresse des adorateurs. C'est là que vivait, au XIIIe siècle, j'avoue que je viens de l'apprendre, un de ces roitelets voluptueux et lettrés, innombrables dans les annales du monde musulman. qui passaient leur vie au milieu de leurs femmes à écouter des vers et de la musique et à discuter sur des nuances grammaticales ou sentimentales, en attendant que pour finir, soudain, ils disparussent dans un coup de vent comme meurent les roses. « Bravo, lui dis-je, voici du renfort. Amas cet après-midi sous le soleil était vide et sans âme. La nuit descend. Faites-moi donc l'immense plaisir de la peupler, et d'y appeler ce fou et ces folles pour qu'ils nous distraient. » « À vos ordres, me répondit-il en riant, et vous allez voir une rare collection de jeunes beautés arabes et persanes, toute une série de tulipes éclatantes au cœur noir. Mais faites attention que les orientaux écrivent des annales plutôt que de l'histoire. Ils juxtaposent les fêtes sans les lier ni les organiser, et je ne vous avancerai guère en vous traduisant tel quel ce sommaire. Laissez-moi vous dire à mon aise, sans m'astreindre au mot à mot, comment je crois le comprendre, y rappelez-vous les vers de Saadi. Peut-être les écrivait-il sur cette berge de l'Oronte. Le gémissement de la roue qui élève les eaux suffit pour donner l'ivresse à ceux qui savent goûter le breuvage mystique. Au bourdonnement d'une mouche qui vole, le soufi éperdu prend sa tête entre ses mains. L'ineffable concert ne se tait jamais dans le monde. Seulement l'oreille n'est pas toujours prête à l'entendre. Allez, allez, mes oreilles et mon cœur sont prêts. On s'ennuie trop dans cet amas sans âme. Est-ce la peine d'y venir de si loin pour y manquer à ce point de musique? Lisez-moi votre histoire d'or, d'argent et d'azur. Jamais vous n'aurez d'auditeur mieux disposé que je ne le suis ce soir à goûter le concert de l'Asie. Et voici ce que me conta tard dans la nuit ce jeune néerlandais, commentant très librement son texte. Croyez-vous qu'il m'ait mystifié et, sous couleur d'adaptation, conté une histoire de son cru? Quelqu'un m'a dit qu'il y retrouvait des vers de poètes orientaux, qui n'étaient pas nés à l'époque où se passe ce drame. Et chose plus étrange, quelques lambeaux d'Euripide. Je ne sais que répondre. Ces Irlandais sont de prodigieux fabulistes, et je me rappelle comment Oscar Wilde, s'il avait un cercle à son goût, racontait avec des airs de magicien des histoires qu'il jurait exactes et qui étaient de purs mensonges. Eh bien, le beau grief, qu'importe que mon compagnon ait relevé de sa fantaisie la sécheresse d'un vieux manuscrit. Toute une nuit, j'ai vu, grâce à lui, voltiger sur l'Oronte un beau martin pêcheur. Un oiseau bleu sous les étoiles, c'est impossible. Pourtant mes yeux l'ont vu. Puis-je l'amener tout vivant sous les vôtres ?